بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم الولاء والبراء لعلوس الجذاب للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. تخرج كمان تبع أبو تيمية خليل المعتنكي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد رأيه وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إن شاء الله بكلتيرو aujourd'hui. فنكمل اليوم الأسئلة مع عادة التي قد تكررت والتي تحتاج إلى توضيح كما قلت لك. طيب، ثم سؤال آخر. Autre question. Il dit: est-ce qu'il est permis aux musulmans de vivre avec un chrétien dans une même chambre pour des causes de travail et de manger avec lui? Faites-nous profiter. Pourquoi ils disent Masihi, ils veulent dire Nasrani. Mais le hakika, c'est qu'il faut. Masihi, c'est pas un stylaire qui est dans le côté, dans le Coran et dans la Sunna. Le terme employé, c'est Nasara, Nasrani. Masihi, c'est un terme qui est venu à part. Bima Alam. Qui dit le meilleur, c'est qu'il n'habite pas avec un kafir. La réponse est qu'il ne fréquente pas. Et que par contre, si demain il y a un besoin, là, dans le travail, elle n'a pas l'empêchement à cela qu'il habite avec lui dans le même roulefa et qu'il mange avec lui également, à condition que le muslim préserve sa religion. Et d'abord, même s'il mange avec lui, il mange du halal. Il mange pas dans les récipients dans lesquels le chrétien il a fait de cuire de la viande haram ou du porc, ce genre de choses. Voyez. Question: est-ce que le fait d'utiliser le calendrier chrétien, ni grégorien, cela est considéré comme étant une alliance aux chrétiens? Donc il répond: non, cela n'est pas considéré comme une alliance envers eux, c'est pendant une ressemblance avec eux. Il dit: car ce calendrier était présent à l'époque des Sahaba, et qu'ils ne l'ont pas employé. Et plutôt, ils ont mis en place ce calendrier. Donc cela démontre qu'il est obligatoire aux musulmans de délaisser ce calendrier. Car il est basé sur les rites, comme l'avons dit, des chrétiens, leurs fêtes, ce genre de choses. Donc cela est comme une forme de cautionnement du faux sur lequel ils se trouvent. Non. Et que même sur ce calendrier qu'eux ils ont confectionné, les chrétiens, c'est une bid'a. Ce n'est pas Isa al-Salam qui leur a dit d'agir de la sorte. D'accord? Et également, c'est-à-dire de baser la date sur sa naissance. Et on sait également que le calendrier solaire, il n'est pas précis. En fait, il s'arrange pour que chaque jour, et chaque heure, et chaque saison tombent au même moment. Donc des fois, ils font des années bissextiles. Des fois, tu as deux jours en moins dans l'année. Ils font des décalages d'horaire. D'accord? Ils font des mois de 30, 31 jours. Alors que le lunaire, même s'il se décale par rapport aux saisons, c'est celui qui est dans le Coran. Les 12 mois dans le Coran, quand on dit Hijri, dans le Coran, il est stipulé. Il ne s'appelle pas Hijri, mais les mois employés dans le Coran sont présents. Et eux, les Sahaba, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas apporté des nouveaux mois ou ce genre de choses. Juste, ils sont basés sur une date historique pour l'islam à partir de quoi? De l'Hijra. Sinon, les mois, ils étaient déjà. Tu comprends? Tous les noms des Ashur étaient déjà présents. Donc là, un tambih aussi que Cheikh Yahya avait fait par rapport au fait d'utiliser le calendrier, c'est qu'il dit à la base, il n'y a pas à le faire. Maintenant, dans des pays d'Europe ou d'Occident, les gens ne connaissent pas le calendrier hijrien. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu fais le hijrien, si tu peux, et après, pour lui faire comprendre, tu mets en deuxième le grégorien. Tu comprends? Voilà, pour te repérer. Parce que t'en as, ils connaissent pas les mois. Des gens, ils sont en France, par exemple, ou dans d'autres pays, en Angleterre ou quoi. Ils sont nouveaux convertis ou ils sont ignorants, ils connaissent pas les mois hijriens. Et dans leur pays, on l'utilise pas du tout. C'est-à-dire, il est perdu. Tu lui dis, aujourd'hui, on est le 12 de Rajab. Ils vont être perdus, tu vois. Lui, il marche. Ce qu'on lui montre tous les jours, ce qu'il connaît comme tartib, c'est le calendrier grégorien. Donc Mbembe Takrib, tu le mets égéen et après côté grégorien. Tu dis aujourd'hui on a le mois de Rajab, ce qui équivaut à tel mois de novembre, Mafalen, comme ça il se repère. Et après au fur et à mesure aussi, il faut que le muslim s'efforce à apprendre. Mais c'est vrai que là-bas, les calendriers égériens, tu vas être perdu un petit peu. Parce qu'il n'y a rien qui marche avec. Et même ici, dans le pays d'Islam, Harry, ils ont du mal. Alors que dire dans ce pays-là hein. Taïeb. Ensuite, il y a une question par rapport au fait de voyager dans les pays d'Islam, non islamiques, en vue d'y résider et d'en être citoyen. Ça, c'est un point qu'on a déjà évoqué dans notre question, donc la question se répète. Cela n'est pas permis, ce genre de choses, à part dans des cas extrêmes, avec des chouroutes. Donc là, une question qui était liée à celle-ci, le voyage chez les koufars. Il dit « Ma'na hadha annahu, lo kana mathalan yard, at-tijara faqat fayajuzu lo dhalika » Que si jamais il part dans un pays de, qui n'est pas musulman, dit pour le tijara, est-ce que cela lui est permis? Donc il dit qu'il est permis de voyager chez les koufars avec deux conditions. On va dire essentielles, parce qu'il y en a toujours d'autres. La première, que ce voyage soit basé sur un besoin, en premier lieu, qu'il soit nécessaire. Voilà. Et deuxième, que la personne soit en mesure de faire apparaître sa religion, qu'il appelle Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il accomplisse ses obligations, qu'il ne délaisse rien entre elles, de ce que Allah lui a ordonné, et qu'il ne se mélange pas au koufar dans les lieux de leur lieu de perversion. D'accord ? Il ne vit pas dans leur milieu pervers, les lieux où il se passe des munkarat. Biril haja. Par exemple, dans les hôpitaux, il y a des munkarat, mais tu es obligé d'y aller des fois. La falen, ou les, tout ce qui est cercle administratif également. Ah, mais maintenant tu vas dans les, je sais pas, une parc d'attraction, ce genre de choses, ça c'est autre chose, tu vois. Là, mais je vous. Enfin, tu vas au Walt Disney. Ah, non, mais à cela. Ça c'est vraiment purement, tu vois, du lahou pur. T'as rien à y faire, il n'y a que des munkarat. La musique, Hertilette. Des figurines partout, des images partout, ou du shirk, tu vois, ou des emblèmes shirkiyah. Là, tu vas pas. Donc, il dit, donc avec ses chouroutes, il a le droit d'y aller. Si jamais une seule de ses chouroutes est perdue, dans ces conditions, c'est fini, il n'a pas le droit. Donc là, maintenant, on revient à la condition, la deuxième, qui est qu'il soit en mesure de faire apparaître sa religion. Et hier, on a stipulé, c'était quoi qu'il voulait dire par là. Et là, il précise bien que sa religion, il accomplit toutes ses obligations. Bon, allez, comme ça. C'est pas, il vient là-bas, il se rase. Mathalan. C'est pas, il vient là-bas, sa femme se dévoile. Mathalan. C'est pas, il va là-bas, il met ses enfants dans les écoles. Il doit faire ce qui est obligatoire, éviter ce qui est interdit. S'il peut pas le faire, il n'y va pas. Donc ça s'explique bien que pour pas que les gens disent, comme on l'a dit hier, Cheikh Fawzan dit qu'on peut venir pour la da'wah, ce genre de choses. Vous vivez là-bas pour ça. Oui, il y a des chouroutes. Ces chouroutes, est-ce que tu les remplis ou pas? Tu les remplis pas, ça fait à toi des. Je fais quoi sur toi? Femme? Non. Après une autre question, c'est une femme qui dit mon mari veut me contraindre à voyager avec lui à l'extérieur du royaume, c'est-à-dire d'Arabie Saoudite, pour aller dans un pays d'Europe, afin d'y passer des vacances. Et moi je ne veux pas y aller, c'est-à-dire de bien des koufars. Et je ne veux pas non plus qu'il y aille tout seul. Donc que dois-je faire? Et est-ce que je commets un péché en ne l'accompagnons pas? Si je ne l'accompagne pas, c'est que je commets un péché. Le péché est dit, il n'est pas permis d'aller dans le pays de Kouf, vous voyez, en but de divertissement, tourisme, ce genre de choses. Pour ce que cela comporte comme danger pour la Aqida et dans les comportements. Et qu'il n'est pas permis à la femme d'obéir à son mari dans ce genre de voyage. Car cela est une désobéissance. Et pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Donc même une femme, son mari la force à partir, il n'y va pas. Ou même également, Nazid, le mari par exemple qui fait la hijra, qui veut rentrer pour une raison qui n'est pas valable, tu vois, pareil, est-ce que la femme doit suivre ou pas? Azaou. Car le suivant, on va désobéir à Allah. Hein? Si ce voyage, ce retour n'est pas excusé, n'est pas légitime, au point de vue de la char, du char, elle n'est pas nashida. C'est pas une nashida, c'est pas une rebelle. En faisant ça, elle n'est pas rebelle à son mari. Enfin, il me dit, mon père, autre question, mon père a plus de 60 ans. Et il voyage beaucoup dans les pays de Kouf. et de perversion et de dévergondage. Je l'ai déjà beaucoup conseillé et lui me réprimande en me disant qu'il veut profiter de la vie. On va dire comme ça. Donc, est-ce qu'il m'est permis de désirer le hajj? Là, le hajj, c'est le fait de geler ses biens, qu'il ne puisse pas prendre son argent et le dépenser, pour l'empêcher de voyager. Ou alors, je le laisse, hein, en vue de, d'appliquer la parole d'Allah dans le sens où il dit, où, dans la parole d'Allah, ce là où il dit, « Waqadar rabbuka ila ta'budu ila iyyahu wa bil walidayna ihsana » Le fait que votre Seigneur a décrété de n'adorer que lui et de faire preuve de bienfaisance envers les parents. Donc le shir, Hafizallahu ta'ala, répond: il t'incombe de le conseiller qu'il n'aille pas dans ce genre de pays et de l'inciter à faire tauba. Et que si jamais il est possible de l'empêcher d'agir de la sorte, d'y aller, alors fais-le. Tu as les moyens de l'empêcher d'y aller. Bien sûr, sans que cela amène un mal plus grand, hein, alors on nous répète à chaque fois. Car cela est dans son intérêt de l'empêcher. Cela est dans l'entraide avec lui, dans l'obéissance et la taqwa. Le faire de faire ça, c'est ta'aoun ala birri wa taqwa. Même s'il ne le voit pas, hein, pour lui, ça rentre là-dedans. Et de blâmer le blâme, le blâmable. Et que si jamais tu n'es pas en mesure de le faire, alors contente-toi de le conseiller. D'accord? Non. Et le fait d'agir de la sorte, cela et de la bienfaisance envers lui. Tafikulillah ta'ala, obilwalidain et ihsana. Le fait d'agir de la sorte, c'est de l'ihsan. L'ihsan, c'est pas faire ce que les gens y veulent. C'est de leur penser ce qui leur fait du bien. Quitte à ce qu'ils soient mécontents ou quoi, c'est ça, quoi. Inka la munka. Je veux bien comprendre c'est quoi ihsan, obilwalidain. C'est pas faire tout ce que ton père demande de faire ou ta mère demande de faire, non. Comme le hadith, la ta'at al makhlouq fi. Le hadith, il est venu. Donc ton père te demande, hein, si t'obliges à m'associer quoi que ce soit de son que tu n'as pas de science, alors ne leur obéis pas. Ça rentre là-dedans. Et lorsqu'on dit shirk, ça rentre dedans également toute marsiya. Qiyasan ala al-aya. Là, quand on dit shirk, c'est le shirk en soi, et également on fait le qiyas sur toute désobéissance. Si tes parents t'appellent à désobéir, tu ne leur obéis pas. Et que ce n'est pas du rokok de faire ça. C'est pas de la, de l'ingratitude ou de la désobéissance. Quand même. La question d'après, celle-là, par des rafidans, on la laisse. Celle-là d'après ici, Yaqul, est-il vrai que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a exhorté, recommandé avant de mourir, de ne pas réunir dans la péninsule arabique deux religions? Donc le shir, sallallahu alayhi wa sallam, répond, oui. Qu'il a ordonné de faire sortir les juifs et les chrétiens de la péninsule des arabes. Les yahoud, mais aussi également les chrétiens rentrent dedans. Wa qala la yabqa fi jazirat al-arab dinan. Que deux religions ne peuvent rester, se réunir dans la péninsule arabique. Et que cet ordre a été appliqué et exécuté par Omar ibn al-Khattab, lors de son khalifa. Car la péninsule arabique, c'est la source de la religion réelle. C'est de là qu'elle provient, l'islam. D'accord? Donc il ne convient pas qu'il y reste deux religions. Du moins deux religions, en tout cas celle-là. Juste l'islam. Voyez, celle d'après aussi, elle a déjà été déposée, donc on la délaisse. Celle d'après aussi, là on va en page directe, page 58 en bas. Voilà. Tout cela, c'est les questions qui se répètent. Tayyib, yaqul ma huwa an-nifaq? Quelle est l'hypocrisie, le nifaq? Et quelle est la différence qu'il y a entre le nifaq et le kouf? Entre la mécréance et le nifaq, l'hypocrisie. Et est-ce que le nifaq est plus dangereux que le kouf? Donc il répond, Allah Ta'ala, l'hypocrisie, le nifaq, c'est le fait de renfermer le mal et d'extorquer un bien. Ne sert à pas être plutôt un bien. Et il est de deux sortes. Le nifaq i'tiqadi, c'est-à-dire l'hypocrisie qui est liée à la croyance, et le nifaq amali, celui qui est lié aux actes, aux œuvres. Donc le premier, le nifaq i'tiqadi, wa li'adhu billah, c'est le fait de refermer le kufr, la mécréance et de laisser apparaître la croyance, la foi. Comme les munafiqoun qui étaient présents à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le Coran les a dévoilés. Quelle sourate ? Dans quelle sourate ? Tawba. Et tu s'amas bi al-fadiha. La Tawba, tu s'amas bi al-fadiha. Parce qu'elle a dévoilé le chêne des hypocrites. Et qu'il a informé qu'ils sont au degré le plus bas du feu. En dessous des idolâtres. Et ceux-là sont des koufars et leur kouf est encore plus grand que celui qui n'a pas laissé apparaître l'islam. Parce que lui, c'est comme un traître. Tu crois qu'il est avec toi, et en fait, dans ton dos, il te plante. Donc ça, c'est encore plus dangereux. L'ennemi à l'intérieur est plus dangereux que l'ennemi qui est à l'extérieur. Le kafir, elle enseigne, tu sais qui t'a à faire, mais lui, tu sais pas qui t'a à faire. C'est lui qui fait rentrer les autres dans la maison, comme on dit. Car il dit que les koufars sont de deux sortes. Ceux qui font apparaître leur kouf et leur animosité envers les muslimines, et ceux qui sont les koufars intérieurement. D'accord ? Et en apparence, il se fait passer pour un musulman afin de tromper, d'accord, de trahir les musulmans. Donc celui-là, c'est Mounafiq. L'unifère, Irtikadi, la croyance. Et que lui, c'est un kafir, Mukhalat Sinnar. Et que son châtiment est bien plus dur que le châtiment des adorateurs d'idoles. Wal'az billah. Le deuxième, Nifaq Amali. C'est-à-dire l'hypocrisie dans les actes. Et que cela peut arriver de certains croyants. D'accord ? Par exemple, qu'ils fassent un acte qui soit parmi les caractéristiques des munafiqin, comme le mensonge lorsqu'ils parlent. Ils disent kazaba ou ils disent hadatha kazab. Une sifatihim. Voyez, comme on voit dans le hadith, qui est dit sallallahu alayhi wa sallam, ayat al-munafiqin thalath. Ils disent hadatha kazab, ou ils disent wada'a akhlaf, ou ils disent tu'mina khana. Que si jamais les signes de munafiq sont de trois, s'il parle, il ment. S'il promet, il enfreint. Et si on lui confie, il trahit. Et une version qui est quatrième où il dit quoi ? Où il zéchasama fajar. Lorsqu'il se dispute, il devient immoral. Et il devient immoral. Donc ceux-là sont les caractéristiques du munafiq. Et celles-ci peuvent arriver d'un croyant qui a une faible foi. D'accord ? Ceux qui ont une foi faible. Cependant, celui qui agit de la sorte, cela ne l'exclut pas de la communauté. Pas du kouf. D'accord ? C'est un mu'min, un croyant, avec un trait des munafiqines. Et qu'il est sous la menace d'un grand châtiment. Non. Donc celui-là, on l'appelle Al-Nifaq Al-Amali. Al-Nifaq Al-Amali. C'est un munafiq. Mais il faut préciser, tu vois. À la base, quand tu fais l'itlok, Al-Munafiq, comme ça tout seul, on pense au kafir directement. Donc c'est mieux de préciser, tu vois. C'est-à-dire, la munafiq nifaq en amaliyen, le salam. Faut pas qu'on dise que c'est un takfiri, que t'as kafar des gens, tu vois. C'est mieux. Taïb. Thumma hada souhal. C'est la son. Taïb, répétez. Quel est votre conseil pour les pères qui envoient leurs enfants à l'extérieur, en été, par exemple, vacances d'été, sous prétexte d'apprendre l'anglais, par exemple, ou pour le tourisme? Que leur conseillez-vous par rapport à ce voyage à l'extérieur? Donc il dit, mon conseil pour ces pères qui craignent Allah dans leur fils. Car ils sont un dépôt qu'Allah leur a confié, sur lequel ils seront interrogés au Al-Qiyama. Donc il n'est pas permis d'envoyer ses enfants, ses fils, dans les pays de Kouf et de Fassade. Par crainte pour eux qu'ils ne dévient. Et le fait d'apprendre la langue anglaise, si vraiment ils en ont besoin, ils peuvent le faire dans leur pays. Sans qu'ils aient à voyager. Et même, l'apprentissage de la langue anglaise, c'est pas tout le monde qui l'apprend. L'IA, c'est un fort qui faille. D'accord? C'est un fort qui faille. Et le fait d'apprendre cette langue-là, l'anglais ou autre parmi les langues des koufars, sans haja, et de façon non légiférée, ça va t'amener à les aimer. Par contre, pour apprendre leur langue, tu vas lire leurs livres, leurs histoires, et tu auras envie de les rencontrer pour parler avec eux. Nous regarde ici quand on est au Yémen, quand certains parlent français, ils aiment trop content. Ils veulent parler français avec nous. Direct. J'aimerais bien aller en France, Kazakhstan. Parce que par la langue, tu commences à t'habituer à un peuple. D'où le fait qu'il a été interdit de parler la langue d'un peuple, parce que ça ressemble avec eux. Et ça amène à les aimer. Donc même ces langues-là, tu ne les apprends qu'en cas de besoin et de façon légitimée. C'est pas tout le monde qui apprend l'anglais. Cheikh Abraham, il avait fait une fatwa par rapport à ça, on l'a déjà dit, qui lui dit qu'il a déjà la base pour les besoins de l'État, la médecine ou même l'éducation, pour que ce soit le gouverneur qui décrète des gens. Il dit un tel, telle personne apprenne l'anglais, ou l'espagnol, ou l'allemand, ou le français, ainsi de suite. Pas tout le monde. Pas l'ouvrir à tout le monde. Et eux, une fois qu'ils connaissent cette langue-là, ils agissent en mesure de la demande. Dans la médecine, ils lisent les médicaments, dans l'industrie, dans, je sais pas moi, l'électronique, ce genre de choses, ils arrivent un peu à connaître les codes et à lire les protocoles des autres pays. Mais c'est pas tout le monde de le faire. Et généralement, si un gouverneur achète un bien, il va prendre des gens pieux pour faire ça. Des gens intelligents, mais des gens déjà mutamassikines. Si on t'interdit, t'as pas le droit d'aller dans leur pays, c'est avec des conditions. Donc apprendre la langue, c'est pareil. C'est-à-dire quelqu'un qui va apprendre l'anglais, c'est déjà qu'il maîtrise bien l'arabe. En premier lieu. Il maîtrise bien la langue arabe. C'est-à-dire son obligation, il a déjà accompli. Il connaît bien la langue arabe, il connaît bien son djinn pour pas justement se prendre des choubouettes. Parce qu'après, il va lire dans leur livre. En anglais et tout. Donc il y a du poison dedans. Tu vois que dans le livre, il va prendre l'anglais Kitab Tawhid. Avec la Tahawiya, avec Tadmouria, il ne va pas prendre ces livres-là. Il va l'apprendre avec les magazines, avec les livres de scolaires qu'ils ont. Et dedans, il y a quoi? Des égarements. Donc s'il est faible, il ne connaît pas, il va se prendre des choubouettes. Ahmt Aza. Ayun Tabala. Donc ils disaient par rapport à ça, qu'ils craignent Allah dans leur fils, hein, et qu'ils ne nous envoient pas là-bas. Ensuite celle-là, il dit, le questionnaire, je travaille dans une entreprise qui embauche des employés non musulmans, d'accord, sur le koufar. Et à chaque matin, on se salue. C'est une question plus qu'on se posait la dernière fois, tu te rappelles? Ben là, alhamdoulilah, il y a la réponse. Et cependant, moi j'ai entendu que le fait de saluer un non-muslim, cela n'est pas permis. Est-ce que cela est vrai? Et est-ce qu'il y a une différence entre le fait de dire Assalam et une salutation quelconque? Comme bonjour. Tu vois, par exemple, là, il dit Sabah al-Khay, il dit bon matin, quoi. Mais nous, on dit bonjour. On ne dit pas bon matin en France. On dit bonjour, bonsoir. On dit pas bon. Ça se dit bon matin, mais c'est pas, tu vois. Généralement, c'est bonjour, c'est connu. Donc, quand il dit Sabah al-Khay, il veut dire généralement bon, bonjour, tu vois. Non. Donc le Cheikh Abdallah Ta'ala, il répond. Il n'est pas permis aux muslims de commencer à saluer le kafir. C'est pas lui qui doit débuter. Cependant, si le kafir lui répond, du moins commence par le saluer, il lui répond. En disant, wa alaykum. D'accord, comme dans le hadith de Aïcha. Ils ont dit, assalamu alayk, wa alaykum. Car il dit que le fait de les saluer, cela inclut de les aimer. Quand tu commences par le salam, cela renferme une forme d'amour, d'affection pour eux. Tu vois, tu leur fais apparaître cela. Quand tu vois quelqu'un, tu dis bonjour, ça va? Tu vois, t'es courtois, t'es poli, t'es agréable. Alors qu'à la base, nous, on est censé faire quoi quand tu passes dans la rue? Leur serrer le chemin. Donc quand tu dis bonjour, ça va, c'est. À même temps, sur le chemin, t'es un peu contradictoire, tu vois. Tu dis bonjour, monsieur, tu lui serres le chemin en même temps. Il dit, mais il est fou, lui. Il dit, c'est quoi, il est fou, lui. Donc tu dis pas bonjour. D'accord? Tu dis pas bonjour. Et il va expliquer. Non. Donc il disait comme le fait de passer le salam, cela inclut le fait de leur faire apparaître une forme d'amour. Et qu'il n'est pas permis aux musulmans d'aimer le kafir. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne les aime pas. Et qu'il est interdit aux musulmans de les aimer. Comme encore le Ta'ala, « Ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu adui wa aduwakum awliya'a tulquna ilayhim bil muwadda wa qad kafaru bima ja'akum min al-haq. » Donc il dit dans le sens, « Oh vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme alliés. » En leur faisant paraître une forme d'affection, ou d'alliance, d'amour. Alors qu'ils ont déjà mécru, parce qu'il vous est venu comme vérité. Donc il dit, et tout terme qui comprend le sens de salutation, rentre dans le jugement, l'interdiction. Que ce soit, le fait de dire bonjour, ou autre, t'as pas commencé. Tu dis ni bonjour, ni salam alaykoum, ni hello, ça, tout ça, il n'y a pas à le faire. Tout est le même jugement. Car même cette question, la dernière, elle est aussi. Quand tu as calamna hawla. Beaucoup de questions se répètent, tu vois, donc il n'y a pas lieu de les répéter. On a stafid. Donc, ce soit là. An-nasiha lana jami'an. An-nattaqiya Allah. Fi anfusina. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ittaqi Allah haythu ma kunt. Rien là où tu sois. D'accord. Wa adbiya al-siyat al-hasana. Tamhuha. tu fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, car elle va l'effacer. Wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan. Et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Le bon comportement, ce n'est pas al-mujamala, la fatrie, les fausses politesses, c'est pas ça. Le bon comportement, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour nous. D'aimer qui on doit aimer, qui il aime, et de détester qui déteste. D'accord ? Ça, ça rentre dans le wala, le bara. Les gens du kouf, les kouffars, les mouchrikoun, les katabiyoun, les murtaddoun, les munafikoun, on les déteste mutlaqan. Pas d'amour pour eux. Et les mu'minoun, bihas. Les mu'min, le khalis, le sadiq, le siddiq, bel, le mustaqim, le salih, le sunni salafi. Lui, on l'aime. Les awliya. Et même, parmi ces gens-là, tu peux en avoir certains qui ont des dérapages. Tu peux trouver un salafi qui a des dérapages. Comme des péchés ouvertement ou il a un mauvais comportement. Donc toi, ton amour sera basé en fonction de ce qui te donne, qui te laisse apparaître comme droiture. Et après ça, on a les mutadi'a. Pareil. Ils ont une partie d'amour car ce sont des mu'minoun. Vous voyez ? Leur foi est basse. Elle a été atteinte par cette bida. Et également les foussaires, les ressorts, les désobéissants. Eux aussi, ils ont une part d'amour pour l'iman qu'ils ont, mais une part également de haine et d'aversion pour les péchés qu'ils commettent. Car on ne peut pas aimer les gens du péché, car ils commettent ce que Allah interdit. Et comme on a dit, ce wala, ce bara peuvent te faire sortir de l'islam. Et le fait que tu t'es allé au koufar contre tes frères, cela est parmi les wakas de l'islam. Ainsi de suite. Ou cela peut se faire sortir de la salafia, comme on l'a dit. Dans les stikama, ou réel et zalika. Par rapport à ça, et l'amour, tu le sais qu'il est dans différentes catégories. Tu as l'amour qui est ibadah, qui est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as l'amour qui est naturel, tabiri, que tu peux avoir pour les choses comme la famille, les proches. Tu as l'amour qui est muharram, comme le fait d'aimer une chose qu'Allah interdit, qui n'est pas du shirk. Et tu as l'amour qui est shirki, au contraire de l'ibadah, le fait d'aimer autre que Allah, l'amour que Allah mérite, avec le ta'zim. Cet amour-là, tu le mets pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça te fait rentrer en shirk. Minannas mitakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahu kahubillah. Fahamt? Donc voilà. Fa biyad al-kod naktafi, wa nas'al Allah yanfa'a bima kunna wa ma samiyana lisamul muslimin, wa nakul subhanaka. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليك مع تحية دماج أفاق.com